Microscript audio, chapitre 2, le poison dans l'encens. Ambiance sonore, bruit de foule d'étudiants, brouhaha de campus, quelques appels au loin. Puis, une odeur sonore, le crépitement léger du charbon et le souffle du vent qui porte l'odeur du tioret, encens. Narrateur. Un après-midi étouffant, dans la cour de l'université, Aïcha tomba sur un attroupement. Au centre de ce cercle de visages attentifs, il y avait Alou. Alou était une énigme. Peul de Guinée, formé dans les daras du Fouta, il possédait ce génie des autodidactes qui ont tout appris dans la poussière avant de briller sous les néons de l'université. Il était le cerveau de la paire Torodo, ce mouvement que l'on appelait désormais l'ODPM. Musique, un rythme de percussion sec, répétitif, qui crée une tension. D'un geste lent, Alou déplia un grand carton. Son, tableau classificatoire. Voix d'Aloe, froide, précise, presque hautaine. L'idéologie sans preuve est comme un puits sans eau. Regardez bien. Ce que vous appelez Wolof n'est qu'un sable mouvant. Une illusion. Il n'y a que le peuple qui soit le dépositaire de la vraie noblesse. Narrateur. Il se tourna vers son acolyte Moussa, glissant dans l'intimité du pular, comme pour verrouiller une porte. Voix d'Aloe, chuchotée en pular. Jantao, Moussa. Narrateur. Moussa, lui, ne voyait pas des lignées de sang, mais des liasses de billets. Il répondit dans la même langue, l'œil brillant de cupidité. Voix d'E Moussa, rapide, cynique. Mini 2, Ama Yko Uno Kao Oni Aoale. Narrateur. Il parlait de l'opération, shérif, de ces bénédictions mauritaniennes qu'ils allaient monnayer à prix d'or. Pour eux, l'idéologie était l'encens qui attire les fidèles, mais le cœur du système, c'était l'argent. Alou toisa Aïcha. Son regard était une lame. Voix d'Aloe. Tu devrais être fier de ta lignée, Aïcha. Mais tu es devenue Sengina, dénaturée par cette université. Tu préfères les étrangers à ton propre sang. Narrateur. Le sel de la rage monta à la gorge d'Aïcha. Elle fit un pas en avant, brisant le cercle de soumission. Sa voix claqua dans le silence soudain. Voix d'Aïcha, vibrante de colère, puissante. Vous n'êtes que des putes intellectuelles matérialistes. Vous utilisez notre savoir pour diviser et votre foi pour voler. Vous parlez de noblesse, mais vous êtes l'allié de cette république. Sonore, silence brutal. On n'entend plus que le sifflement du vent. Narrateur. Sous le regard glacé d'Alou, Aïcha tourna les talons. La guerre était déclarée. Ampoule électrique indication pour le narrateur. Le contraste des voix, Alou doit parler avec une lenteur calculée. Moussa doit paraître plus pressé, plus terre à accent grave terre. Le pular, ne cherche pas à le traduire dans l'enregistrement, laisse le mystère de la langue agir pour montrer l'exclusion. Le final, la réplique d'Aïcha doit être le sommet du chapitre. Elle doit mordre.